La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des... Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous poursuivons cette semaine l'écoute du cours de Michel Zinc, consacré cette année à un roman hellénistique datant du IIIe siècle de notre ère et intitulé Apollonius de Tyre. Ce texte exotique pour les médiévaux fut traduit en latin au VIe siècle. Mais il ne s'agit pas seulement d'une traduction du grec en latin. Mieux vaudrait plutôt parler d'une transposition. C'est ainsi que ce texte deviendra un best-seller du roman médiéval dans tout le monde chrétien. Il sera en effet traduit et adapté dans toutes les langues vernaculaires et sa fortune durera plus de 12 siècles. À l'origine, le héros, Apollonius de Tyre, résoudra une énigme, celle de l'inceste qui unit le roi Antiochus à sa fille qu'Apollonius voulait épouser. Cette découverte et les menaces qui s'ensuivirent entraînent alors le héros dans des aventures, des amours, des voyages tous plus périlleux les uns que les autres, qui le conduiront à retrouver sa propre fille et à éviter lui-même l'inceste de justesse. Ce roman sera à l'origine d'œuvres littéraires en vers et en prose, dont certaines, comme Tristan et Iseut, sont encore célèbres de nos jours. Ce matin, Michel Zinc nous explique les raisons de cette incroyable souplesse d'adaptation du roman et pourquoi cette histoire a pris dans le monde médiéval. Sans doute, l'historien Apollonius Regis Tyri a-t-elle été conçue au début comme un roman du destin, dont le noyau narratif et significatif est constitué par ce qu'on appelle encore, ou ce qu'on appelait il y a peu de temps, les fortunes de mer, emblématiques de tous les aléas de la fortune. Un roman ou une histoire qui montre un individu poursuivi par le destin et cherchant à forcer le sort, à le briser, à changer le sort funeste qui lui est échu par la décision du destin et sans doute par la conjonction des astres, en un sort plus favorable. Il y a dans le roman la répétition des voyages sur mer qui fondent cette supposition. Mais cette supposition ne se fonde pas seulement sur la répétition dans le récit des voyages sur mer marqués par des tempêtes, marqués par des naufrages qui sont des imprévus conduisant immanquablement les voyageurs là où ils ne voulaient pas aller, mais où leur destin ou la bifurcation de leur destin les mène ou les attend. Mais cette supposition est aussi en accord avec les conceptions et les préoccupations de l'époque et du lieu où l'original a probablement été composé, c'est-à-dire le monde de l'Orient hellénisé du IIIe siècle de notre ère. Pour ceux d'entre vous qui suivaient déjà le cours de l'an dernier ou la série des deux années sur poésie nature, ceux-là se souviennent peut-être que nous avons vu dans le cours de l'an dernier que dans l'Antiquité comme au Moyen-Âge, la tempête joue un rôle important dans la pensée de la nature et dans la poésie de la nature parce qu'elle est un moment où la nature rompt l'harmonie de ses propres lois, paraît vouloir détruire son œuvre, paraît vouloir ramener la création au chaos primordial, rappelez, Ulé, traduit par Sylva en latin, mais la tempête s'arrête à temps, ou au moins elle l'a fait jusqu'ici, sinon le monde n'existerait plus, nous ne serions plus là pour en témoigner. À chaque tempête, il y a cette menace, et jusqu'ici, ça s'est arrêté à temps. de façon analogue, mais dans un cadre religieux, ésotérique, astrologique particulier, l'Orient hellénisé du IIIe siècle de notre ère croit qu'une tempête peut altérer une destinée. Croit que si la tempête, ou encore plus le naufrage dont on réchappe, que si la tempête ne cause pas la mort de celui qui l'a subi, s'il en réchappe, elle peut introduire une rupture dans son destin. Elle peut lui permettre d'échapper à ce que ce destin lui réservait. Elle peut lui permettre d'avoir comme une seconde chance à la loterie du sort. Et ainsi, la tempête est supposée pouvoir contrarier le déterminisme fixé par le cours et la conjonction des astres. Autrement dit, le déchaînement des éléments brise les lois supposées de l'astrologie, le déchaînement des éléments ébranle le cours des astres, le fait légèrement dévier. Et Cortécas, qui parle de ça, résume en ces termes, je traduis, l'astrologie ancienne croit à une sympatheia ton holon, une sympathie de l'ensemble, une sorte de lien entre tous les éléments du monde, dans laquelle les éléments, ta stokeia, jouent une part importante, en particulier la tempête, le tonnerre, les éclairs. C'est dans le cadre de cette conception qu'une tempête peut avoir le pouvoir d'altérer une destinée. Et à ce sujet, Cortécas, qui se fonde sur les travaux du grand orientaliste Franz Cumon, moins son célèbre livre qui a fait l'essentiel de sa gloire sur les mages hellénisés, mais surtout l'ouvrage sur les religions orientales de 1929 et celui sur l'Égypte des astrologues de 1937. Donc, se fondant sur Cumon, Cortécas avance à ce sujet une hypothèse intéressante touchant le comportement d'Apollonius après la mort supposée de sa femme, après que la malheureuse accouchée tombée en léthargie est abandonnée dans un cercueil au péril des flots. Alors, vous vous en souvenez, à ce moment-là, il va à Tars, il confie sa fille qui vient de naître à Strangulion et Denise, il fait vœu de ne couper ni sa barbe ni ses cheveux jusqu'à son mariage, et il part pour l'Égypte, où il restera 14 ans sans donner signe de vie. C'est un comportement inexpliqué par le roman, un comportement déconcertant que les adaptations médiévales feront souvent disparaître. Les adaptations médiévales profitent de ce blanc de 14 ans, mal rempli, leur semble-t-il, par le roman d'origine, pour y fourrer les éléments chevaleresques et militaires qui manquent à l'histoire d'Apollonius de Tyre pour être un vrai roman médiéval. Alors, on remplace le long séjour en Égypte par des combats contre Antiochus, par exemple, qui donnent au héros la dignité chevaleresque qui lui manque dans le roman primitif. Mais l'Orient hellénisé connaissait une catégorie d'individus appelés katokoi, qui se jugeait victime de la malédiction d'une mauvaise conjonction astrale, du malheur au sens propre, et qui cherchait à conjurer cette malheureuse conjonction astrale, qui cherchait à la briser par des pratiques pénitentielles et ascétiques. Refus de se laver et de prendre soin de sa personne, abstinence sexuelle, etc. Et naturellement, l'Égypte, le lieu de l'astrologie, l'Égypte, lieu du désert et de la retraite, lieu de la Thébaïde, l'Égypte, surtout ensuite dans un cadre dans un cadre christianisé, se prête particulièrement à cette retraite. Et c'est dans cette perspective qu'il faudrait interpréter le comportement d'Apollonius, cherchant après cette tempête, qui est la seconde qui les suit, alors il est poursuivi par la haine et la vengeance d'Antiochus, et puis en plus il fait naufrage, puis en plus dès qu'il reprend la mer, il lui arrive des malheurs, il cherche à rompre avec son destin, et cela d'autant plus qu'il est féru d'astrologie et qu'il a une compétence dans ce domaine, compétence qui est marquée dès le début du roman. quand il rentre à Tyr, après avoir résolu l'énigme d'Antiochus, il cherche dans les livres de mages chaldéens la confirmation qu'il a vue juste. C'est une notation qui est supprimée par le prudent romagneur de Herbé. On peut peut-être voir le premier texte de la citation que je vous donne rapidement. Et enfin, c'est du latin, vous verrez, assez approximatif. Et aperto scrinium codicum suorum, inquirit omnes questiones actorum, omnium quae pene philosophorum disputationes, omnium quae tiam caldeorum. Et ayant ouvert l'écrin contenant ces livres, enfin la construction grammaticale, vous voyez, n'est pas bien correcte, il fit des recherches touchant toutes les questions traitées par les auteurs, ainsi que les disputes de presque tous les philosophes, et même les discussions de presque tous les philosophes, et même de tous les chaldéens, entendre les mages chaldéens. Et vous remarquez que Herbé change. Vous savez, Herbé, toujours prudent, qui corrige qui améliore la qualité du latin, mais qui aussi corrige ce qui lui paraît, pour des raisons de mœurs ou de religion, scandaleux, ou inacceptable. Aussitôt, il se fit apporter, donc, continuo iusitat ferre sibis crinea, cum voluminibus, grecis et latinis, universarum questionum. Et il le dit plus brièvement, aussitôt il se fit apporter les écrins contenant les volumes grecs et latins traitant de toutes les questions. Et les mages ont disparu parce que l'auteur de Herbé a bien senti que là, il y avait quelque chose de dangereux pour un auteur chrétien, mais du coup, il supprime quelque chose qui était probablement très important pour l'original grec du roman. Et accessoirement, vous notez que R.A. parle anachroniquement, si on situe l'œuvre au IIIe siècle, de codices, donc de manuscrits sous forme de livres, alors que R.B. parle de volumina, de rouleaux, ce qui est probablement plus conforme à ce qu'il pouvait avoir sous les yeux, et la précision grecs et latins, qui, elle, est un, si on veut, un anachronisme au regard du texte du IIIe siècle, qui était probablement entièrement dans le monde grec, mais qui montre que pour cet auteur, pour le romagneur du VIe siècle, la connaissance du latin va de soi, mais que la connaissance du grec, il n'y a rien d'autre, mais que, évidemment, la connaissance du grec est une compétence particulière qui suffit à fonder la supériorité intellectuelle d'Apollonius. Nous retrouverons ça beaucoup plus tard. Mais pour revenir à l'hypothèse de cet intérêt pour l'astrologie et cette lecture du roman qui verrait dans les tempêtes qui suit Apollonius et les malheurs qui s'abattent sur Apollonius une mauvaise conjonction des astres, et dans les tempêtes qui les suit à la fois la conséquence de cette mauvaise conjonction des astres mais l'heureuse occasion de briser le destin, on peut rapprocher de cette hypothèse une autre observation, celle de l'intérêt du roman pour la médecine, parce que toutes ces disciplines scientifiques, ou considérées à l'époque comme scientifiques, vont ensemble. Intérêt pour la médecine qu'on voit lors de la description de l'accouchement et de la mort apparente de l'épouse d'Apollonius par la description et l'explication de son malaise et de sa léthargie, qu'on explique par une coagulation du sang aboutissant à une obturation du souffle. Alors elle donne l'impression de ne plus respirer. Alors bon, il y a une explication qui vaut ce qu'elle vaut, je ne suis pas médecin, mais enfin, qui ne vaut probablement pas grand-chose, mais enfin, qui est précise et articulée. Ou bien la découverte de son corps sur le rivage d'Éphèse par un médecin accompagné de ses disciples et le passage très étendu, très amplifié au regard de l'amplification, de la brièveté générale et de la rapidité générale du récit, du passage consacré à l'examen, au diagnostic, aux soins, le médecin la croit morte, son disciple voit qu'elle n'est pas morte, la façon dont on la soigne. Or, encore une fois, le double intérêt, d'une part pour les révolutions des astres et pour leur influence sur la vie des hommes, et d'autre part pour la médecine, est caractéristique du néopythagorisme, vraiment la musique des sphères, etc., et de ses avatars religieux dans le monde hellénisé de l'Antiquité tardive. C'est en particulier le cas d'Apollonius de Tyanes, hein, néopythagoricien à tendance ascétique et mystique, qui manifeste le même type d'intérêt, naturellement. Et ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à faire ce parallèle entre les deux œuvres. Exemple, un traité du IVe siècle sur les herbes médicinales est attribué à Apulée. Or, il n'y a absolument rien de médical dans les métamorphoses d'Apulée, dans l'âne d'or. Mais Apulée, qui était adepte des cultes à mystère, du culte d'Isis, était aussi prêtre d'Asclépios, d'où le lien entre les deux, donc du dieu de la médecine. Il y avait une conjonction entre les deux, et là c'est quelque chose que j'ai trouvé dans ce livre que j'utilisais l'an dernier pour le cours sur poésie et nature, le livre de William Eamon, Science and the Secrets of Nature, Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture, Princeton 1994, qui est un très très beau livre. Donc l'histoire d'Apollonius de Tyre entre parfaitement dans cette constellation. Et les péripéties de cette histoire se fondent et sur le déterminisme astrologique qui règle la vie humaine, et qui règle aussi naturellement tous les accidents qui peuvent la contrecarrer, et sur les circonstances médicales de la naissance et de la mort assorties de diagnostics. Car il ne s'agit pas de n'importe quel diagnostic médical, il s'agit du diagnostic au moment où la vie est en jeu, au moment de l'accouchement de la princesse, au moment de sa mort apparente. Et naturellement, cela rapproche ces préoccupations médicales des préoccupations astrologiques qui touchent au destin et donc vraiment à la vie et à la mort. Rien de tout cela, évidemment, n'était compréhensible pour le Moyen-Âge. Et sans doute, tout cela n'était plus qu'à peine compréhensible, peut-être même pas du tout, pour les auteurs R.A. et R.B. De l'Historia, pour les deux rédacteurs, pour le rédacteur et pour le remanieur de l'Historia du début du VIe siècle. En revanche, ce que le Moyen-Âge naturellement comprenait parfaitement, et comprenait mieux qu'aucune autre époque, pourrait-on dire, ce sont les épreuves auxquelles Apollonius est soumis. Et enfin, il ne les comprenait pas mieux qu'une autre époque, mais cela déclenchait en lui immédiatement des rapprochements et des voies d'interprétation. Et c'est pourquoi, certes, le Moyen-Âge n'a pas lu le roman dans une perspective à la fois scientifique, philosophique, religieuse. Il n'a pas lu le roman comme une illustration des lois du cosmos et de la nature par l'affrontement de la tempête et des astres, si on peut dire, et par l'attention portée à la maladie, à la santé, à la naissance et à la mort. Oui, il ne l'a pas lu comme cela. Mais il l'a lu dans une perspective tropologique comme un roman des tribulations patiemment supportées dans une perspective tropologique, c'est-à-dire morale. Apollonius est l'image même de l'homo viator, l'homme voyageur, le destin de tout homme en ce monde, cette réflexion sur l'homme voyageur qui détermine largement la pensée religieuse et morale, ou la théologie morale, si on peut dire, du Moyen-Âge, ne pas s'attacher aux choses de ce monde, ne pas prendre, comme le dit un sermon du XIIIe siècle, « viam pro patria stabulum pro domo », voilà, et ne pas prendre la route pour la patrie, l'auberge pour la maison, voilà, savoir que l'on est toujours en voyage, et régler sa vie sur cette conviction. Et ce personnage, perpétuellement en déplacement, qui perd continuellement ce qu'il a gagné, ce personnage accablé de tribulations, ce Job chrétien, comme on l'a dit, illustrait particulière. Oui, mais Jean reste sur son tas de fumier, tandis que lui, en plus, il se voyage continuellement. Donc c'est vraiment à la lettre. Un homo viator, à la lettre, et selon le sens second, il l'illustrait parfaitement, cette vision de la vie et cette sorte de slogan du détachement du monde, du surtout vivant du 11e au 13e siècle, nudus nudum Christum sequi, suivre nu le Christ nu, eh bien, le rejeté par la tempête nu comme un ver sur la plage de Cyrène, Apollonius illustre involontairement, mais à la lettre, ce précepte. Et vous vous en souvenez peut-être, lorsque j'avais rapidement passé en revue les adaptations latines de l'Historia, vous vous souvenez peut-être que le manuscrit des Gesta Romanorum, qui est édité par Sterlet dans son édition de cet ouvrage, présente et interprète l'histoire en ces termes, dans la rubrique « De tribulatione temporali quae in godium sempiternum » postremo comme un habitur, de tribulations temporelles, des tribulations en ce monde, qui se changent à la fin en joie éternelle. Ce qui est proprement une interprétation, parce que l'histoire finit bien, mais à la lettre, l'histoire ne se finit pas par le gaudium sempiternum, mais par le bonheur en ce monde qui se terminera à la mort. On voit bien que c'est là une interprétation, et je vous avais dit qu'un autre manuscrit, donc à titre d'exemple, un autre manuscrit des Gesta Romanorum, lui, signale dans la rubrique uniquement l'épisode initial, l'inceste d'Antiochus. Il y avait donc des lectures très différentes. Et cette notation du Gaudium Sempiternum annonce une sorte de généralisation du sens moral qui peut aller jusqu'à un sens anagogique, et c'est-à-dire un sens moral de qui, dans sa généralité, prend en considération l'eschatologie et les fins dernières, donc le destin de l'humanité tout entière, et non pas celui du héros. Et c'est ainsi que l'histoire d'Apollonius de Tyre se prêtait parfaitement pour le Moyen-Âge à exégèse, selon, vous savez, la fameuse exégèse des quatre sens de l'écriture qui remonte à Origène, que le Moyen-Âge occidental sur laquelle le Moyen-Âge occidental a fondé sa lecture du texte sacré. Donc, on n'ose pas, personne, à ma connaissance, n'a osé risquer une interprétation proprement allégorique de l'histoire d'Apollonius de Tyre, selon le sens spirituel. Mais selon le sens moral ou anthropologique, c'est quelque chose de fréquent. Ce que le Moyen-Âge pouvait percevoir aussi, c'est que le roman illustre les forces qui gouvernent le monde. Et il pouvait même le percevoir d'autant plus fortement qu'il ne réduisait plus ses forces à l'affrontement physique, peut-on dire, des astres et des éléments, mais qu'il leur rendait leur généralité et leur grandeur à la fois dans l'ordre de la pensée et dans celui de l'expérience vécue. Là, Dieu, le destin, la providence, les forces de la nature, la force de l'amour, sur laquelle il insiste tellement plus que son modèle. Et de plus en plus, à mesure qu'on entre, qu'on avance dans le Moyen-Âge, il cherche une répartition et une confrontation entre ses forces, l'amour s'opposant aux autres et les autres contrecarrant l'amour. C'est parce que l'amour est une des forces qui gouverne le monde, ou la grande force qui gouverne le monde, la mort qui move il sol et l'altre stelle, comme dit l'autre, si vous voulez, c'est le dernier vers de la Divine Comédie, comme chacun sait. C'est pour cette raison que ce roman du destin peut devenir un roman d'amour. C'est un point que nous traiterons dans 15 jours ou 3 semaines. Mais pour le Moyen-Âge, s'il y a amour, il faut qu'il y ait armes. Et du coup, il manque la chevalerie. Et l'histoire d'Apollonius de Tyr finira donc par devenir un roman d'armes et d'amour. C'est le point que nous verrons en dernier. Mais avant d'entrer dans ce monde proprement médiéval, où le grand sujet est armes et amour, il faut bien garder à l'esprit le terreau, le noir terreau dans lequel s'enracine ici l'amour. Il faut remonter de l'amour à l'inceste et de l'inceste à l'énigme par laquelle je commence. Et je vais donc reparler de l'énigme de façon plus systématique que je n'ai fait jusqu'ici, j'en ai à peine parlé, puis de l'inceste sur lequel Madame Brigitte Darc, ici présente, m'a communiqué un article extrêmement intéressant sur de possibles origines masdéennes. J'y reviendrai sans m'aventurer sur un domaine si savant et qui m'est si étranger. Mais je commence par l'énigme. Voilà une histoire où toutes les situations dans lesquelles l'amour intervient, que cet amour soit licite ou interdit, que cet amour soit une promesse ou une menace, où toutes les situations dans lesquelles l'amour intervient sont verbalisées par des énigmes. Des énigmes qui sont en même temps, chaque fois, des aveux. Donc, les paroles qui cachent sont aussi, naturellement, les paroles qui révèlent. Soit l'aveu de ce qui devrait rester caché, l'inceste, soit l'aveu de ce qu'on souhaite révéler sans l'oser, l'amour de la princesse de Cyrène pour son maître de musique, soit l'aveu de ce que on veut laisser entendre sans vouloir entrer dans les détails et en entretenant un certain flou, révélation d'Apollonius sur son identité, soit l'aveu d'une identité dans les deux sens du terme, qui on est, la carte d'identité, et à qui on est semblable, à qui on est identique, de qui on est identique. Et ce sont, à la fin du roman, les énigmes de Tarsia qui révèlent la parenté intellectuelle entre le père et la fille, ce père et cette fille qui partagent la même intelligence, la même pénétration, en même temps que le même goût pour la musique. Ces énigmes qui permettent ainsi de révéler leur parenté familiale, leur parenté biologique, et de conjurer le risque d'inceste. Et ces énigmes, enfin, qui font entrer en résonance la quête intellectuelle de ces personnages à l'esprit toujours en éveil, Apollonius et sa fille, la progression du récit et le fait qu'ils progressent par une succession de déplacements physiques que sont les incessants voyages par mer, parce que les énigmes que nous le verrons, les énigmes que Tarsia soumet à son père entrent en résonance encore avec de nombreux épisodes du roman, en particulier autour du thème de l'eau. Il se trouve que presque toutes ces énigmes ont à voir avec l'eau, alors que l'eau est tellement importante dans ce roman, sauf une qui a à voir, dont la solution est le ballon, et c'est en jouant au ballon que Apollonius s'était fait remarquer du roi de Cyrène, et donc que ce qui avait permis à la jeune Tarsia de voir le jour directement. Donc, nous allons à présent examiner systématiquement ces énigmes et voir en particulier, s'agissant de celle d'Antiochus, ses ambiguïtés et les aléas textuels auxquels elle a donné lieu. Parce qu'évidemment, tout repose sur l'énigme d'Antiochus, l'énigme qu'Antiochus soumet au prétendant à la main de sa fille. C'est elle qui donne aux autres leur raison d'être, c'est elle qui structure le roman autour de l'énigme et de la menace de l'inceste, et tout repose sur elle, car si l'épisode initial peut apparaître comme un prologue vite oublié, comme un moyen de mettre en branle les voyages et les aventures d'Apollonius. Si on peut dire, oui, Antiochus et sa fille disparaissent immédiatement, on ne les reverra plus, ils n'interviendront dans le roman que par leur mort, n'est-ce pas, qui ouvre en Apollonius l'accession au trône d'Antioche. En réalité, cet épisode est essentiel et il est impossible de concevoir l'histoire sans lui, à moins de la réduire à la banalité, à l'insignifiance, par un excès de généralité. Et d'ailleurs, aucune version ne l'a jamais fait disparaître. Jamais. Il y a eu toutes les modifications possibles, mais personne, aucun adaptateur n'a pensé qu'on pouvait faire l'économie de l'inceste d'Antiochus. Même pas ceux qui en étaient choqués. Le témoignage du chroniqueur limousin Geoffroy de Vigeois montre bien au XIIe siècle, j'avais déjà parlé, je crois, de ce petit témoignage, montre à quel point l'épisode est senti comme essentiel, indispensable à l'histoire. Geoffroy de Vigeois voudrait bien ne pouvoir retenir de l'histoire d'Apollonius de Tyr que les aspects édifiants, mais ce n'est pas possible. C'est le second texte que vous avez, « Quid enim execrabilius quibus dam videtur, quam historiam Apolloni Tyri legere, verum tamen sicut insterculinio aurum, ita in eisdem gestis invenies utilia quaedam ad correctionem Christianae religionis. » En effet, qu'est-ce qui paraît plus exécrable à certains que de lire l'histoire d'Apollonius de Tyr? Et pourtant, comme l'or dans l'ordure, de même on peut trouver dans ces mêmes événements certaines choses utiles à l'édification du chrétien. Essentiel, l'inceste d'Antiochus l'est au moins de deux façons. D'une part, il révèle à Apollonius que pèse sur lui un destin mauvais. Ce destin mauvais que la tempête et le naufrage devant Cyrène corrigeront pour un temps, mais insuffisamment, à preuve les malheurs qui suivent le bonheur du séjour à Cyrène et du mariage, d'où la retraite de deux fois 7 ans en Égypte, cette période de 14 ans, enfin qui est une relâche. 7 ans est un chiffre magique, si on veut, ou un chiffre naturel pour une longue pénitence. 14 ans, c'est 2 fois 7 ans. Il a fait vraiment le maximum. Mais on comprend le découragement d'Apollonius en voyant que même ça, en apparence, n'a pas suffi et qu'il revient à Tarse pour s'entendre annoncer la mort de sa fille. Un destin mauvais parce que Apollonius a tout pour réussir l'épreuve redoutable, à tout pour conquérir la main de la princesse d'Antioche, et il y parvient en effet, mais il y parvient pour découvrir que le succès obtenu n'en est pas un, ne lui procure pas ce qu'il convoite, et que ce succès lui révèle au contraire qu'il ne peut même pas le convoiter, que le désir de ce qu'il a seul la capacité d'obtenir est un piège du destin. Pour obtenir la main de la fille d'Antiochus, il faut résoudre l'énigme. Il est seul capable de résoudre l'énigme et de ne pas être décapité après son échec comme les autres prétendants. Mais la solution de l'énigme, c'est l'inceste du roi Antiochus et de sa fille. Et cette solution de l'énigme interdit à Apollonius de désirer encore la main de la princesse, en même temps qu'en résolvant l'énigme, il s'attire la colère mortelle, ou qui pourrait l'être, d'Antiochus. Le déchiffrement de l'énigme, condition pour épouser la princesse, a pour effet de rendre ce mariage impossible. Donc ce piège, n'est-ce pas, le piège de cette contradiction, est le premier signe, et le signe le plus flagrant, que Apollonius est né sous une mauvaise étoile. Et d'autre part, autre raison pour laquelle l'inceste d'Antiochus est nécessaire, c'est que bien évidemment, il illustre la menace qui pèse sur les relations père-fille et d'une certaine façon sur toutes les relations père-fille. L'intimité familiale et la similitude familiale sont la raison même de la prohibition de l'inceste, mais aussi la raison de l'inceste lui-même et la source de la tentation de le commettre. La proximité du père veuf et de sa fille, dans le cas d'Antiochus, est la cause du crime. Il est veuf et sa fille est devenue grandette et à force d'être seule à côté de sa fille charmante, eh bien, voilà ce qui arrive. Vous savez, dans de nombreuses versions, dans la plupart des versions même du conte type Podane, à qui je donne cette dénomination moderne, la dénomination de Perrault, parce que c'est ainsi qu'il est connu en France, mais c'est un conte universellement répandu et très ancien, et je l'ai dit, nous y reviendrons, un conte dont les versions médiévales sont extrêmement nombreuses. Dans la plupart des versions de ce type, le roi est frappé par la ressemblance de sa fille devenue pubère avec sa mère, l'épouse défunte, et tant pleurée, si bien que l'origine du crime est dans ce qui en fait un crime, la parenté biologique et la reproduction de traits héréditaires. Mais, bien évidemment, le même raisonnement pourrait s'appliquer à Apollonius, qui se trouve en présence de sa fille précisément parce qu'elle a des dons intellectuels et musicaux qu'elle a hérités de lui. Pourquoi il est enfermé dans la cale de son navire? Pourquoi le roi de Mytilène lui envoie-t-il Tarsia? Parce que Tarsia est une excellente musicienne et que Tarsia a beaucoup d'esprit. Tarsia est très intelligente. Donc, il suppose qu'elle seule peut distraire ce malheureux. Si Tarsia avait été une pensionnaire du bordel comme les autres, si je puis dire, on n'aurait pas particulièrement pensé à l'envoyer consoler Apollonius. Alors, c'est parce qu'elle a ses dons qu'on l'envoie consoler Apollonius. Mais ses dons, de qui les tient-elle ? D'Apollonius, son père. Apollonius, le grand musicien qui, par ses dons musicaux, a charmé la cour de Cyrène et séduit la princesse de Cyrène. Apollonius, l'esprit brillant et profond qui a été seul capable de résoudre l'énigme du roi Antiochus. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est un hasard, mais pas totalement un hasard si le père et la fille se retrouvent face à face. Et Apollonius, mis en présence de Tarsia, se laisse d'une certaine façon séduire par elle, en ce sens au moins qu'il l'écoute, qu'il ne la met pas immédiatement à la porte, alors que c'est ce qu'il devrait faire, étant donné ses dispositions d'esprit. Il ne veut pas sortir de la cale du bateau, il ne veut pas se mêler à la fête à Mytilène, et il devrait, ne devrait même pas l'écouter. Mais il l'écoute parce que il se sent en communion intellectuelle avec elle, parce qu'il sent qu'ils sont tous deux du même niveau, un niveau unique, où ils se rencontrent tous deux, ils sont comme seuls au monde, mais non pas par hasard. Non. Il est entré dans l'histoire en résolvant l'énigme de l'inceste, il retrouve sa fille, alors qu'elle sort de sa maison close pour le distraire en lui soumettant des énigmes. La tentation, dans ce cas heureusement écartée, la tentation de l'inceste, est précisément suscitée, encore une fois, par la parenté biologique qui fait de l'inceste un crime. On voit donc à quel point l'inceste d'Antiochus est nécessaire. Sans lui, les retrouvailles d'Apollonius et de sa fille sont anodines, sont purement mélodramatiques et gratifiantes. C'est dans le style « Ah, la croix de ma mère », n'est-ce pas ? Et on se reconnaît. Mais l'ombre de l'inceste d'Antiochus rend ces retrouvailles menaçantes. Et tout cela pour dire, mais enfin on le devinait facilement, qu'il n'est pas inutile de se pencher sur l'énigme d'Antiochus et que c'est même d'autant plus nécessaire que cette énigme recèle elle-même une énigme. Hein, et que la solution de l'énigme, la lecture de l'énigme, le sens de l'énigme ne vont pas de soi. Et donc nous allons relire cette énigme d'Antiochus, nous allons voir quelle en est la difficulté, comment on peut essayer de la comprendre, de la résoudre, ce qu'implique surtout cette difficulté, ce point d'achoppement, cette résistance, et nous verrons ensuite, mais probablement la semaine prochaine, comment les romagneurs, les traducteurs, les adaptateurs se sont débrouillés, comment ils ont résolu cette difficulté. Alors, d'abord, voyons comment l'énigme se présente dans l'Historia, donc dans le roman latin. Première petite surprise, R.A. et R.B., donc les deux rédactions, je vous rappelle que R.A., enfin d'après l'hypothèse Cortecas, mais qui paraît certaine, enfin ou très bien étayée, R.A. dérive, enfin est écrit à partir de l'original grec en le modifiant sensiblement, et que R.B. est un effort de réécriture de R.A., en améliorant le latin et en supprimant des fautes de goût, mais une réécriture de R.A. Par confrontation aussi avec l'original grec, que l'auteur de R.B. a connu aussi. Donc, en la circonstance, nous avons deux versions différentes, mais nous avons ici tout lieu de penser que R.B. a modifié de son initiative le libellé de R.A. et que c'est le libellé de R.A. qui reproduit l'original perdu. Donc R.A. écrit ceci, « Scelere weor, maternam carnem wescor, quero fratrem meum, me matris virum, Uxoris meae, oui, j'ai mis un U adventis, filium non invenio. Donc, je suis, mot à mot, je suis transporté par le crime. Nous verrons ce que cela veut dire et ce qu'il faut en faire. J'en avais d'ailleurs déjà parlé à propos des hypothèses de Cortecas sur l'original grec. Je me nourris, je me repais de la chair de ma mère. Je cherche mon frère. Le mari de ma mère, le fils de mon épouse, le fils de ma femme, je ne le trouve pas. Version RB, scelere weor, maternam carnem wescor, quero fratrem meum, tout ça c'est pareil, matris mi filium, uxoris mi me virum non invenio, donc le début est pareil, je cherche mon frère, et la inversion, le fils de ma mère, le mari de ma femme, je ne le trouve pas. Alors, s'agissant du sens littéral de cet énigme, nous avions vu au moment de la... Nous nous étions interrogés, enfin en reprenant la question posée, résolue dans un sens par Kleps et dans un autre sens 90 ans ou 95 ans plus tard par Cortecas, pour la question de savoir si l'original perdu était grec ou latin, nous avons vu que Cortecas propose de corriger ce bizarre scelere weor en supposant derrière une mauvaise lecture okeistai, donc qui a ce sens du déplacement, pour okeestai, coitum facere, bon, faire l'amour. Et que cette mauvaise lecture s'est produite à un moment ou à un autre la tradition manuscrite, sans doute déjà dans le texte connu de R.A. et R.B., sans quoi R.A. et R.B. auraient probablement restitué la leçon. Mais ce n'est pas sûr, puisque R.B. a une certaine tendance à la pruderie, n'est-ce pas ? La correction de Cortecas est extrêmement ingénieuse, et on est vraiment tenté de s'y rallier. À y bien songer, elle n'est pas strictement indispensable, parce que « weo », déplacer, mouvoir, pas véhiculer, si vous voulez, ça mêle la famille, le véhicule, VO, peut avoir un sens métaphorique. Par exemple, phrase de Sénèque, de Sénèque, Deus omnia veit, Dieu conduit tout. Alors, on peut parfaitement comprendre, je suis conduit par le crime, je suis poussé par le crime. Nous dirions aujourd'hui, j'obéis à des pulsions criminelles. Ce qui définit exactement la situation et la conduite d'Antiochus. Mais, alors donc là, mettons un doute sur ce qu'est les Réouéor, mais on peut s'en tirer. Mais je vous disais, avant que nous lisions l'énigme, que Herbé a probablement modifié de sa propre initiative le libellé de R.A. et que le libellé de R.A. était sans doute celui de l'original perdu. Qu'est-ce qui nous permet de le supposer? Ce qui nous permet de le supposer, d'abord, c'est un témoignage matériel, c'est celui du graffito de Pergame. Vous savez, non, je vous avais parlé. On a trouvé dans des bains à Pergame des graffitis, et l'un en dessous de l'autre, il y a un graffito avec un texte, une phrase de la Genèse, curieusement, et un graffito qui donne le texte même de la fin de l'énigme, sauf que au lieu de Quaero je cherche, il y a Apolessa j'ai perdu, et je vous ai dit que ça enrichissait plutôt l'énigme, puisque Apolessa peut signifier j'ai perdu ou j'ai causé la perte de, d'ailleurs comme perte en français. Apolessa mou ton adelphon, ton andra tis mitrustros mou, ton uion tis gynekos mou. J'ai perdu mon frère, le mari de ma mère, le fils de ma femme. Et voyez donc que le graffito confirme le texte de R.A. Alors, si vraiment cette énigme circulait dans le monde méditerranéen sous cette forme, pourquoi, dans ce cas, R.B. a-t-il corrigé R.A. ? Alors, sa version est évidemment parfaitement cohérente, mais elle est aussi parfaitement insignifiante. Le fils de ma mère et le mari de ma femme, c'est moi. Il n'y a là rien de criminel. Donc, s'il a changé ce libellé, c'est sans doute que quelque chose dans le libellé, dans le libellé de R.A., lui a paru ne pas convenir. Il y a quelque chose qui a trouvé que ça n'allait pas, et on voit bien ce qui ne convient pas. Le malheur, c'est que sa correction n'arrange rien. Mais on voit bien ce qui ne va pas. Relisons le texte. Le personnage qui parle, le « je », sujet de la série des verbes, « je suis poussé par le crime, j'obéis à des pulsions criminelles », mettons, si on garde ce texte, « je me repais de la chair de ma mère, je cherche mon frère, le mari de ma mère », etc. Ce « je » ne peut être qu'Antiochus, car lui seul peut dire « scelere weor, j'obéis à des pulsions criminelles ». L'énigme peut être placée dans la bouche d'Antiochus ou dans la bouche de sa fille, ce qui est d'ailleurs le cas dans Périclès, prince de Tyr de Shakespeare, nous lirons la version de Shakespeare, ou dans la bouche du prétendant qui doit la résoudre. Mais de ces trois personnages, seul Antiochus peut dire scelere weor. Et encore plus, si l'on admet la correction de Cortecas, quelque chose comme l'équivalent de « scelesté coitum facio », je fais l'amour de façon criminelle. Or, la proposition suivante, « maternam carnem vescor », « je me repais de la chair de ma mère », cette proposition semble ne pouvoir s'appliquer métaphoriquement qu'à un inceste mère-fils, et non pas un inceste père-fille. Et c'est là la difficulté. Seul Antiochus peut dire j'obéis à des pulsions criminelles ou je fais l'amour de façon criminelle, mais, donc c'est lui qui parle, mais je me repais de la chair de ma mère pour désigner un inceste, renvoie naturellement à un inceste mère-fille, c'est pas un inceste père-fille. Alors, Évidemment, pour justifier sa solution d'énigme, Apollonius pointe ses deux premières propositions et elle seule. Il ne commente pas la suite. Les dernières citations que vous avez sur la page, là dans les deux cas le texte est à peu près le même. Ingress usquad regem sicait domine rex propositimie questionem audi ergo solutionem, enfin bon je traduis, et arrivé devant le roi il lui dit: Seigneur roi, tu m'as posé une question, écoute donc la solution. En disant je suis poussé par le crime, mettons, tu n'as pas menti, ou j'obéis à des pulsions criminelles, tu n'as pas menti, regarde-toi toi-même, et en disant je me repais de la chair de ma mère, tu n'as pas menti non plus, regarde ta fille. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Michel Zinc, titulaire de la chaire des littératures de la France médiévale. Réalisation Dominique Briffaut, présentation Christine Goémé. Une idée, DAS Radio. Les voix, le moyen vive, microphone, vivir. Chaque être humain est un émetteur-récepteur qui s'ignore. Toi, ça veut dire France Culture. Non, écoute, le France Culture.